Ouais, ben, j'écoute, je vais te dire une chose, tu vas te calmer, s'il te plaît. Ouais, non, mais moi, je te demande de te calmer. Par contre, sur Minitel, où là, ça explose carrément, puisqu'on est à 150 déjà, il faudrait savoir s'il n'existait pas assuré la secte des cotons de tige. Non. Ça, c'est même pas la peine de. Tu vois, c'est même pas la peine de. C'est comme tout à l'heure, j'oublie en fait.